Une étoile s'est éteinte, 40 ans de vie c'est rien. Il était déjà petit, avec toute sa famille. Il avait commencé, sa voix émerveillait les gens de son quartier, ainsi que tous ses frères. Quelques années ont passé, tout seul il s'est lancé. Il est alors grimpé jusqu'à devenir roi. C'était le roi de la pop, le Kami du moonwalk. Pour toujours dans nos cœurs, danse auprès des dieux. C'était le roi de la pop, le Kami du moonwalk. Pour toujours dans nos cœurs, danse auprès des dieux. Toi le roi de la pop. Des zombies dans les rues, un bad boy dans le métro, chapeau devant les yeux, chanteur pour les bonnes causes. Bambi était son nom, Bubble c'était son pote. Enfant au fond des tripes, jusqu'au bout de sa vie. Quelques années ont passé, il a dégringolé, mais pour nous, il est resté le roi. C'était le roi de la pop, le Kami du moonwalk. Pour toujours dans nos cœurs, danse auprès des dieux. C'était le roi de la pop, le Kami du moonwalk. Pour toujours dans nos cœurs, danse auprès des dieux. Toi le roi de la pop. C'était le roi de la pop, le Kami.